Je vous comprends, vous êtes découragé, là, mais moi, je cherche des solutions. Quelles solutions? Vous avez fait 4 études, vous avez rien fait pour nos sinistrés. Ben non, madame, je suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous, je fais ma job. Quel job vous faites? Vous aimez mieux votre colis de maudit colisée. Parfois la barre, mais ne porte pas le turban, ce qui lui permet d'animer en toute sécurité. Accueillons votre animateur, Jean-Philippe Beaulieu. Hey! Bonsoir tout le monde. Il y a du monde ce soir. Bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h. La soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de revenir du fait qu'on est tous rendus ici. Ah ouais. Hein? On est tous rendus ici. D'ailleurs, bienvenue ici, tout le monde. Hein? Fred Savard, bonsoir. Bonsoir ici. Bonsoir ici. Hey, mais là, on va se calmer. Hein? Oui. Ce n'est qu'un changement de nom. En fait, on change même pas vraiment le nom. Hein? On reste encore Radio-Canada. Et c'est là, ça qui est important. Mais là, pourquoi ici, d'abord? Hein? C'est ça. Ça, c'est pas très clair. Mais en même temps, je veux dire, il faut dire que faire un move comme ça, là, en pleine compression budgétaire... Ah, c'est pas un contexte mais, facile. Hein? Mais à Radio-Canada, 400 000 piastres, là, oui. C'est une pinotte, ah, ça, pour ici. C'est, il aurait dû demander à Clotaire à part et ça aurait juste coûté 250 000. Ouais, je pense qu'il est en prison. Ah, ben, je suis pas sûr, mais je pense qu'ils ont demandé. En tout cas, s'il y a un organisme cette semaine qui aurait bien aimé se rebrander... Oui. Comme on dit, hein? C'est la Fédération de soccer du Québec. Ben oui, ben oui, ben, ben, ça aurait pu s'appeler. Il devrait en fait changer de nom, appeler ça ISIC, la Fédération de soccer du Québec. C'est une fin d'année, Fred. C'est une fin d'année. Pas sûr qu'ils aimeraient ça. Non, mais non, mais vous l'avez suivi, cette histoire-là, là, c'est au soccer. Interdire aux jeunes sikhs de jouer avec leur turban. Franchement. On en a des nounous. Ben, peut-être vous. Dans le reste mais, mais il paraît que c'est une question de sécurité. N'importe quoi. Ben, ouais, non. Les coups à la tête sont un vrai fléau et pas juste au hockey. Non. Et puis, moi, d'un bureau de la Fédération de soccer aussi. Ah, non, c'est clair. Ils doivent dire qu'ils doivent en manger. Ils devraient mettre des casques, eux autres. Oui. C'est doit être ou ça, des turbans. Ouais, enfin. Pendant de coups à la tête, vous avez suivi la ville de Laval qui est maintenant sous tutelle. C'est une grosse nouvelle, ça, quand même. La ville de Laval. Là, ça va être quoi la différence? Là? Ben, c'est ça. Les élus vont être obligés de passer par le tuteur avant de faire de la collusion. Ah! C'est... Non, mais il faut juste. C'est... On va se le dire, un tuteur, c'est parfait pour le maire Alexandre Duplessis. Il a l'air d'avoir le QI d'une plante verte. Ah! Fred, premièrement, non, ça n'a pas de bon sens. Ce que vous dites, j'ai un géranium chez nous qui répond au téléphone. Ah ouais? Je dis, regarde. Ah, faudrait que j'appelle plus souvent? Non, quand il voit votre numéro, il répond pas. Il apprend. C'est honnêtement. Je parle pas de la fougère non plus. En tout cas, toujours dans le domaine du Alexandre, il y a le plongeur Alexandre Despatie qui prend sa retraite. Ben on a appris ça. Hey, 22 ans de carrière qui ont dit à la radio. 22 ans de carrière? Ça nous rajeunit pas? Non, ça nous rajeunit pas. C'est quelque chose. Ben oui, 22 mais... ans. Moi, j'écoute. Attends, j'avais attends, wow. 22 ans de carrière? Ben voyons donc, il y a juste 27 ans. Ben oui, il a commencé à 5 ans. Ah, ben là, son calcul de même. Moi, je m'en vais sur mes 50 ans de carrière. J'ai fait ma première joke à 3 ans. Ouais? Ah ouais, j'ai mis mon doigt dans. Okay. Je savais que c'était des jokes de même, frère. Ah, mais est-ce que bon 50e quand même? Hein? Vous allez fêter ça où, ce 50e? Ici! C'est toujours drôle, une petite joke d'ici. Hey, pour 400 000 $, on va en rire longtemps. On hey, come on! Tu sais, je dis, on dépense pas pour rien. Non, mais pour en revenir à Alexandre Despatie, il a dit qu'il voulait se consacrer à sa deuxième carrière, sa deuxième passion, être connu. Ah, c'est ça. Donc, hein? Oui, alors, que ce soit à la télé, au cinéma, en publicité, en autant que c'est devant une caméra, je pense que ça s'en vient. Ouais. Mais il va falloir qu'il commence au bas de l'échelle. Ouais, mais en même temps, il y a tellement d'émissions de cuisine, je peux pas croire qu'il n'y a pas une place de plongeur quelque part. Bon! La bière embarque! Ouais! Mais on voit que c'est les gens de votre âge qui rient de ça. C'est moins. Enfin. Bon, au pire, il fera comme Martin Junot, le chef qui fait faillite. Là. Il fera des pubs pour McDo. Ah, ben oui, hein? Ben voilà. Un petit conseil comme ça. Une petite question à 100 $, tout le monde. Écoutez bien. Savez-vous qu'est-ce qui est plus boycotté qu'une librairie dans la ville de Québec? Hein? Moi, j'irais une question d'un journaliste à Régis Labeaume. Oui, mais c'est pas nécessairement ça. C'est plus la commission d'enquête sur le printemps érable. Ah, ben oui. Hey, je sais pas si vous avez regardé cette semaine. On a appris que les policiers voulaient plus y aller. Ben non. Les étudiants voulaient plus y aller. Les avocats veulent plus y aller. Hey, d'après moi, Serge Ménard va avoir le temps de finir son mot croisé. Ah, à mon avis, oui. Là, il y a pas. Je pense qu'il peut se commencer un sudoku aussi. Il va avoir ouais, mais il devrait s'acheter un gros livre. Oui. Tu sais, les gros livres qui vendent d'indépendants, là. Oui. Parce que quand lui, il a rien à faire, il a tendance à jouer dans le livre. Non, mais vous vous souvenez de ça, hein? À l'Assemblée nationale, quand il avait du temps libre, il... des fois, en tout cas. Une chose qui est certaine, une commission, ça en prendrait une pour savoir ce qui s'est passé avec la vidéo du maire de Toronto, Rob Ford, qui fume du crack. Ben une vidéo que le Sid Gawker aurait perdu. On aurait perdu la trace de la vidéo, c'est ça? Ah oui? Oui. Ah, okay, je pensais qu'il avait perdu la trace de Rob Ford. Non, je pense que... ça, c'est plus difficile. Ça aurait été de la job, ça, je pense. Non. Et puis c'est plate pour tous ceux qui ont donné 200 000 $ pour la vidéo. Ben oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là? Paraît qu'ils veulent la donner à une œuvre de charité. Ah, ça, c'est pour les toxicomanes. Ou pour les obèses, mais tout ça. Tu te trompes pas. Avec Rob, non. Hey, on a beau s'appeler ici, mesdames et messieurs, ça ne nous empêche pas de parler des choses qui se passent là-bas. En Turquie, par exemple, il y a eu des grosses manifestations. Ben oui, il y a des centaines de milliers de manifestants, ou comme le dirait le Journal de Montréal, des dizaines de dizaines. Oui, il y en a eu, là. D'ailleurs, paraît que les jeunes... Bon, ben c'est une des causes. Les jeunes manifestent parce que le gouvernement veut les empêcher de boire de l'alcool. Ah, ouais. Oui. Et dans le fond, là, ce qu'il faut comprendre, c'est ils veulent avoir le droit de boire de la sangria sur une terrasse d'Istanbul. Ben c'est simple que ça. Je dis, non, mais paraît que Richard Martinuc est pas content. Hein? Ouais, le chroniqueur au Journal d'Istanbul. Au Journal d'Istanbul, oui. C'est un bon journal, ça. Hein? Ah ouais. Beaucoup de photos. Ouais. Mais je sais pas si... Non, mais la question qu'on se pose, en fait, je sais pas si ça va faire comme ici, au printemps érable. Ouais. Hein, je sais pas si ils ont leur Gabriel Nadeau-Dubois. Eh boy, c'est dur à dire. Ils en ont des millions, des têtes de Turcs, là-bas. Honnêtement, c'était un de nos plus drôles quand on l'avait écrit. Oui! Non, mais en répète, on riait. Ben, on le rit à chaque fois qu'on l'a fait. Fait que je me disais, c'était un... Tu sais, enfin. OK! Heureusement, on n'a pas de tête de Turc ce soir à l'émission. On a des invités de marque. Ah, on reçoit tout d'abord Pierre Brassard, mesdames et messieurs. Ouais. Pierre Brassard! Ça va bien pour Pierre Brassard, hein? Ben, oui, d'ailleurs... J'ai consulté les registres. C'est le premier invité qu'on reçoit qui s'est fait donner un coup de pied dans le scrotum par Pierre-Éliott Trudeau. Hein? Oui, ben, je pense que oui, en fait, parce que Justin n'est pas encore venu. Ah, ben que voilà. Sans ça, ça aurait... Mais enfin, on reçoit également la romancière Kim Thuy, qui va être là, tout à fait. Et son nouveau roman Man. Oui. Ouais, c'est pas elle qui a écrit le roman de La petite femme d'à côté est enceinte? Vraiment, c'est une fin de saison difficile. Non, c'est elle qui écrit les livres avec deux lettres ou trois lettres. Ah oui, man. Oui. De toute façon, vous allez pouvoir le lire parce que la soirée est encore jeune. Oh. Rire de même, ça se fait plus. Hein? C'est fou. Ça se fait plus. C'est D'ailleurs, fou. Ça se fait plus pour vrai. Il va vraiment falloir qu'on prenne un break. Hein? merci d'être à l'écoute de la soirée. Olivier Niquette, les internets. Ben oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune ou sur notre site ici.ca/lasoirée. Oui, ça marche déjà, j'ai testé. Ah ouais. Où ils pourront participer à la campagne Salut les colons de Jeff Filion pour pousser le Québec à retrouver sa fierté en envoyant des photos de colons qui coupent pas leur gazon. Ah! Oui. Moi, là, c'est les bon gens qui les... coupent pas leur gazon. Ah, vous avez même pas de gazon, Fred. Non, je le sais. OK. Premier invité, Fred. Il a marqué le Québec avec son personnage de Raymond Beaudoin et se prépare à le marquer à nouveau avec sa nouvelle quotidienne AV. Accueillons M. Pierre Brassard. Bravo! Merci. Tu m'entends? Là? Oui. Allô? J'allais vous offrir une bière, mais... Ben, c'est gentil, non, j'ai déjà commencé. Ben, oui. J'avais pas goûté à la glutenberg. Il y a beaucoup de goût quand même, hein? J'ai l'impression que vous allez recevoir une caisse chez vous. Oui, c'est ça. Je donne l'adresse à Jason. Ouais. Ben, c'est pas loin de chez nous, au pire. Il me l'enverra, puis on l'organisera pour... Un pouce, quelque chose. Ben, ouais, il n'y a pas d'aigle. Hein. Hey, ben, ça va bien pour votre carrière, Pierre Brassard? Ben, jusqu'à ce qu'il nous reste une demi-heure. Probablement qu'après, ça ira mal, mais c'est normal. Ouais, c'est... Découpez-moi en morceaux, c'est ça que je veux. Après ça, je tombe en vacances. Ah oui! C'est la dernière chose que vous faites. Ben, il me reste quelques... Non, il m'en reste quelques. Pouvez-vous répéter la question? Ah oui. Je finis le très quiz. Sur l'actualité, vous connaissez ça, évidemment. Les quiz sur l'actualité, oui. Ça marche fort. Ça marche bien à radio. Oui, ça. C'est peut-être plus radio. Ça dépend de l'animateur, j'imagine. Oui, je sais c'est pas, ça. Je sais non, pas, on ne pas. Non, c'est ça. C'est c'était juste que je voyais un rapprochement entre nous deux. Oui, non, je sais, mais bon, s'il y en a plus. Donc, la carrière va bien. Enfin, oui, c'est vrai. Oui. 26 ans de carrière. J'ai célébré mes 25 ans dans un Saint-Tube en septembre dernier. Il y a très peu de gens qui sont venus, mais j'avais fait aucune invitation. Mais si vous preniez, par exemple, la façon de calculer d'Alexandre Duplessis, là. Duplessis, Alexandre Dépati. Ouais. Oui, vous auriez combien d'années de carrière? Ministre. Ouais. Je calcule, ben, j'ai commencé en 87. Mais votre première joke, là. Ma première joke, oh boy, c'est un peu plus dans le niveau de Fred Savard, c'est-à-dire que, genre, elle est très mauvaise, puis je vais la raconter, mais c'est même pas une blague, c'est que je me revois encore enfant, boulevard de Nelson en Abitibi, avec les déjà, arbres. Ah, c'est une blague. Déjà, oui, en soi. Non, je peux pas raconter ça, j'ai aucun fil. Et j'ai juste dit, hey, aujourd'hui, je n'ai pas mangé une pomme, je l'ai avalée. Mais c'est pas possible de rire après ça. Donc, C'est parce que ça vient de sortir. Je suis fatigué, je viens de chercher ça très loin. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Cette blague-là? Ouais. Oui, je me souviens enfin d'avoir dit ça dans un autobus. Ben, je prenais même pas l'autobus scolaire, j'habitais à deux portes. En fait. Mais enfin, c'est une vous êtes vie mythomane. Ouais, une vie de fiction. J'étais en limousine, on voyait rien à travers de toute façon. Non, c'est vrai, c'est une très mauvaise blague, mais on restera pas là-dessus trop longtemps. Boy. Mais on non, en fait des mauvaises blagues. Ben, regarde, on fait mais ça c'est pour se faire aimer, c'est comme ça que. Ben non, je sais n'importe quoi. Lisa Waters, Boulevard Denison, qui n'a jamais voulu de moi, mais parce qu'elle a dit t'es trop niaiseux, tu fais tout le temps des farces, mais ça m'a marqué mais aussi. Mais en fait plus, t'avais même des farces drôles. Non, c'est ça. Embêtant. Ça fait 8 ans. Bon, OK. On va parler d'autres choses, hein? Oui. OK, good. On s'entend là-dessus. Vous allez animer à l'automne une émission à VTV, hein? Brassard en direct d'aujourd'hui. Yes. Et là, pour juste situer nos auditeurs, oui. Qu'est-ce qui est V, exactement? Ah, qu'est-ce qui est V? Ben c'est là-bas, là. C'est pas ici, là. Non, c'est pas ici. Okay. C'est par là-bas. Qu'est-ce qui est V? C'est un bureau sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal, puis il y a des cassettes qui partent automatiquement la nuit. Donc, c'est une chaîne de télé. C'est une chaîne de télé bon, okay, qui a souvent plusieurs couleurs différentes, mauve, jaune. OK, fait qu'on est avancé, là. Qui ont été volés par MaTV aussi, distribués par Vidéotron. Ça, c'est un autre dossier. Oui, je suis trop. Là, je suis vraiment impliqué dans V, c'est pour ça que j'ai déjà. Vous avez-tu des actions dans V? Non, j'ai aucune action. J'ai un parking, ça, je suis vraiment heureux. Ah, arrêtez donc. Mais c'est écrit mon nom, mais c'est TP. On peut l'enlever. Et récemment, je suis arrivé, puis je me dis. « Oh boy, il y a un employé qui est revenu parce qu'il a quitté. » Non, non, non, c'est juste que ton nom est parti au vent parce que ça m'a le TP. <Okay, rire> Donc ça, c'est, je parlais en fait surtout ben, du producteur. Bien. Mais qu'est-ce que V? C'est un public de 18-49 ans. C'est le footballeur américain qui aime les films. Non, mais c'est 5 à 7 en famille, on se divertit. OK, c'est, bon. C'est surtout des gens qui ont eu, ça c'est là le côté racoleur, mais qui ont dit « Ben nous, on en veut une émission de même. » Ben oui, ben nous aussi, on en voulait une émission de même. On aurait bien aimé ça la faire. Je sais, l'avais eu. C'est pas grave. AV aussi? T'as rien AV? Non, n'importe où. N'importe où. MaTV. Ouais, c'est ça. Un chalet n'a pas de prix. Hein? Comment? Non, non, j'aurais fait n'importe où, moi, pour payer mon chalet. Oui, oui, c'est ça. Donc, du lundi au jeudi à 19h, pas le vendredi, parce qu'évidemment, le vendredi, nous sommes en onde à 19h. Exactement. Puis je pense que c'est l'arbitre aussi, Madame Anne-France Goldwater. Ah, ouais. Là, j'ai mimé un geste d'une femme imposante qui tient des grands livres entre les mains. Exactement, c'est tout. Exactement. Et parce honnêtement, elle est très attachante. Niaisez pas avec Anne-France. Ne la délogez pas. Parce qu'elle a elle a des bonnes codes d'écoute. Elle a des 600 000 de codes d'écoute. Arrêtez donc. Ça marche bien. Il faut pas toucher à l'arbitre avec des gros dossiers comme genre. Mon toaster est pris dans ton anus, mais... Mais ça m'est déjà arrivé, c'est très tannant. Oui, c'est ça, faut pas allumer la switch. Oui, mais ça. Je me suis dit que je n'allais pas dire ça. Mais, je sais que j'allais parler de toaster aujourd'hui. Mais regarde, ça arrive tout le temps. Il nous reste à peu près 5 minutes, on voudrait parler de Brassard en direct quand même. Oui, je dévie parce que c'est tout ce que je sais pour l'instant. On parlait au début, quand vous avez annoncé ça, peut-être de la case horaire du 22h. Oui, exact. Vous avez été... Je vais prendre une gorgée. Oui, c'est ça. C'est maintenant rendu Éric Salvay. Mm-hmm. Hein, parce qu'on le sait, le 22h, c'est plus crunchy un peu. J'écrase la canette. On sait exactement, je suis d'accord que 22h, on peut s'en permettre un peu plus. Puis on était certain qu'il n'y avait pas d'option de talk show dans l'air. Ben non, c'est ça. Bing, bang, ça va manger, je sais pas, au toquet, puis ça brainstorm avec Eric. Ouais. Viendrais-tu, traverse avec des boines, puis oublie pas Monsieur Tranquille de TVA dans tes affaires. Ouais. Fait que là, moi, j'ai eu un choc, je me suis dit, on était dans l'incertitude. Sérieusement, ils nous avaient parlé de 22h, parce que ça, ils nous ont parlé de. Ça se peut que ce soit à 19h. Alors, habituez-vous, on va jongler comme ça. Okay. Nous, il faut le savoir pour l'écriture, à un moment donné, à qui on s'adresse. Puis finalement, ça a été confirmé 22h, mais je suis content. Ça a été confirmé Eric, 22h. Ben, oui. Puis pour nous, c'est plus grand public. Là, les gens qui ont regardé un soupir presque parfait, il faut qu'ils digèrent. Donc, ils ont une demi-heure pour digérer avec nous. Ouais. Puis moi, m'arranger pour être grand public, je trouve ça le fun aussi. Mais je peux pas détailler tous mes concepts, sinon il n'y a aucune surprise le 16 septembre à 19h à V. Ah, c'est ça, c'est ça, septembre à 19h à 20. Ouais. Bon, on va regarder ça avec attention. Il me semble. Oui, non, sûrement. Non, mais moi, c'est mon genre de show, c'est moi. Genre de show. J'aurais aimé ça que ça soit à 22h. Maudit salvaire. Vous auriez été un peu plus... Ouais, mais on a une reprise à 23h, donc... Ça change pas grand-chose. Non, je sais, dans le contenu, mais... enfin. On va pas s'arrêter. V, quand même, une chaîne assez ouverte. Puis dans le pilote qu'on a proposé, on a fait exprès de faire des blagues un peu extrêmes, là. Pas de trop mauvais goût, là, mais on avait un numéro avec Magnota, mais... non, c'est ça, on l'a coupé. C'est rarement de mauvais goût avec Magnota. Non, c'est ça. Ça a été vraiment c'est rarement coupé. Un numéro aussi. Oui, c'est ça, c'est plusieurs. C'est plusieurs. On a essayé une coupe, là, on a vu que ça a passé. Moi, je dis, ils sont sûrs. Puis je sais que j'ai un personnage un peu... Ben, je commencerai... Je commencerai pas à me définir ici, ça va être trop long. Mais. Encore une couple de minutes, honnêtement. Oui, c'est ça. Alors, donc, ils ont acheté. Comment on dit? Ben, c'est fou de même. Ouais, alors on... Et là, à l'automne, est-ce que vous allez vous retournez pas à la semaine prochaine? À la semaine prochaine, c'est, j'ai fait mes adieux. Ben oui. Je cherche la date encore, le 4 mai. J'ai dit au revoir. Ouais. Ouais, on finit bon an, ça, c'est ça. Cœur, on vous regarde vous épuiser au loin pendant que nous, là, on mange la pizza dans le bureau voisin. Ben on dit, hey, cette année, avec que de gros trophée, scores. Votre maudit trophée. Ben, ouais, ah oui, vous avez gagné un Olivier. Un Olivier, ça vous a pas dérangé, ça? Non. Non, pas du tout. On le dit souvent, on n'est pas amer de ça. Non, non, non, pas du tout. Puis en même temps, vous êtes des personnes avec de l'expérience. Ce serait bête de venir vous voler ça. Oui, oui. Mais à un moment donné, ça va arriver. Mais là, je veux inscrire Pouvez-vous aussi. Là. J'aimerais ça que Pouvez-vous soit en nomination. Ben, là, juste pour m'aider. Honnêtement, là, ce serait bête en vierge. De toute façon, moi, là... Tu sais, choisis ton combat. Là. Tant que le trophée reste ici, je suis bien content. Oui, c'est ça. Bravo. Dans une derrière une vitre à côté de l'Oscar de Denis Arcand, d'ailleurs. Pour ceux qui viennent à Radio-Canada. C'est ça. Vous restez avec nous à prendre absolument, une autre bière. Oui. D'ailleurs, je vois qu'il y a pas mal... Ben, quand on a parlé d'Éric Salvaille, c'est sûr que ça fait ça. Là. Et de la case d'arrière de 22h. Oui, on peut être plus tordu. Mais la reprise de 23h va être bonne. Excusez-moi aux frères d'Olivier, là. Qui pense à... canette, là. Ben, on a de la bouteille tantôt, ça va peut-être faire moins mal. Le CRTC a exigé des compagnies de téléphonie cellulaire qu'elles cessent d'offrir des contrats de 3 ans à ses clients. On a appris ça cette excellente semaine. Oui, et ça nous a bien sûr inspiré cette publicité d'une compagnie bien connue. On écoute. Fred de Montréal nous demande... Salut, Belle. J'ai une question pour toi. Ça fait 6 ans que je suis avec vous autres, puis là, je viens de lire la décision du CRTC, puis je me dis... Asti que tu m'as fourré avec tes contrats de marde qu'on comprenait rien, puis tes clauses écrites au microscope qui faisaient que je t'ai pogné 3 ans avec toi pour un téléphone avec une garantie d'une semaine qui me coûtait une fortune. C'est quoi votre question? Ça se peut-tu que je te dise drette là d'aller chier parce que je change de fournisseur? Oui. Ben, c'est ça, oui. Quand on rit de ses clients depuis des années, c'est normal que ça nous revienne d'en face. La vie est belle et bien chère. Seigneur. Est-ce que vous allez être cru de même à 19h AV ou... Cru de même, il y a eu le mot chier, c'est ouais. Tout. Un petit de temps en temps. Ah, ouais, c'est ça. Faut, bon, c'est, quand un bien placé est justifié, ça t'en permet d'autres à l'occasion. Ah, OK, ouais. Bon, parfait, merci beaucoup. Vous le savez, hein, la vie fait parfois des cadeaux comme ça, pour rien. Hein? Et le cadeau qu'on a cette semaine, eh ben, c'est le départ de Jean-Sébastien. Ah, qui, woo! Franchement, woot, woot! Oui, ah, ben, y a des gens qui applaudissent. On est très heureux de ça. Et gens de l'équipe. Ouais, c'est ça. Alors, on va reposer donc nos oreilles cette semaine et disons-le, nos neurones, et allons retrouver notre reporter tout-terrain substitut, Catherine Desormeaux. Catherine, bonsoir. Bonsoir, Jean-Philippe. Hey, ça va-tu bien? Ah, oh, ça va tellement bien. Je suis très heureuse d'être parmi vous et surtout avec Fred Savard. OK. Il est pas si hot, sérieux. Mais enfin, je veux pas être chienne, là, M. Vautier, mais des fois, je me demande pourquoi c'est pas Fred qui anime le show. OK. Ah, alors, question. Votre sujet cette semaine, Catherine. Ouais, je vous parle du sujet qui était sur toutes les lèvres cette semaine, la déclaration choc de Michael Douglas, comme quoi le sexe oral serait la cause de son cancer de la gorge. Oui, hey. Ben oui, ça a l'air que c'est Catherine Zeta-Jones ou une fan finie du film Liaison fatale qui aurait refilé le cancer suite à un cunnilingus. Oui, ben oui, vous allez faire quoi pour ça, vous? Ben là, pour ça, ben là, j'ai décidé de parler avec Nadine Bégin, une intervenante en santé sexuelle. Alors, Madame Bégin, est-ce que c'est vrai que le cuni peut causer le cancer? Oui, bonjour. Écoutez, ça va être un oui, mais assez prudent et nuancé. Il n'y a pas de lien de causalité entre le cunnilingus et le cancer, mais il faudrait quand même pas faire mauvaise presse à cette plaisante pratique. Moi, j'ai arrêté, contre, hein, juste c'est... vous dire. Ah oui, ah ouais, moi, j'ai une espèce de regarde. Non, c'est plus... Mais continuez, excusez-moi. OK, c'est grave. Par contre, ce qui est certain, là, c'est qu'il y a des risques de transmission du fameux VPH qu'on entend parler lors de la pratique du cunnilingus. En fait, le VPH, c'est une infection transmissible sexuellement. Bon, good. Good, c'est le fun d'entendre. Anciennement, les MTS ou les maladies vénériennes. OK, parfait. Je m'en vais chercher quelques termes dans le dictionnaire, Jean-Philippe, je vous reviens, oui, c'est OK? Bon. OK, parfait. Hey, faites attention à vous, hein, puis vos affaires. OK, bye! Merci, bye! Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de la première chaîne. Une émission que doit adorer la Fédération de soccer du Québec, puisque personne n'y porte de turban et qu'en plus, tout le monde est blanc. Franchement, Fred. Hey, c'est à vous, hein, et votre chronique d'humour social. Oui, oui. Ça va tellement être drôle. Alors, nous y sommes. C'est cette fin de semaine que se tiendra le Grand Prix de Montréal. Oui. Oh, plèbe médiocre, réjouis-toi que le grand cirque des milliardaires, oui, daigne s'arrêter dans ton trou pour que tu puisses toucher ne serait-ce que de loin de ce spectacle immortel qui passionne des milliards de personnes, même si, pour être bien honnête, je ne connais personne qui aime vraiment cela. Oui, j'avoue, j'ai été dur envers le Grand Prix au cours des dernières années dans mes chroniques, ici, dans une ancienne émission que nous ne nommerons pas, qui commence par sport et qui finit par graphe. Mais c'était ici, en tout cas. Oui, et oui, c'est ici. Et j'aimerais faire un monde honorable cette année et lui offrir une ode. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, j'ai grandi, j'ai maturé, et malgré le fait que je suis un Uber gauchiste, il paraît, j'ai vu ça passer sur Twitter, je me suis dit qu'il est temps de donner de l'amour à des gens qui en ont bien besoin, et quand vient le temps de donner de l'amour, vous le savez, je ne compte ni les heures, ni les coups de hanche bien sentis. Ah, Seigneur! Avouons-le, le Grand Prix est devenu en quelque sorte une manifestation sociale qui témoigne à merveille de l'état de putréfiance de notre civilisation. Ne cherchez pas le mot putréfiance dans le dictionnaire, c'est un néologisme de mon cru qui témoigne de la grande émotion qui me parcourt le steering quand je pense au Grand Prix. Ouais. Alors que notre bon gouvernement péquiste s'apprête à donner le feu vert à l'exploitation pétrolière par fracturation sur l'île d'Anticosti, il est tout à fait logique de célébrer ces formidables machines de plusieurs millions de dollars que sont les Formule 1, elles qui brûlent si bien le pétrole, bientôt québécois, en si grande quantité en si peu de temps. Le Grand Prix est donc une formidable célébration de la culture du pétrole auquel le Québec entend maintenant participer en décoquillissant une île magnifique, paraît-il, bien que je n'y suis jamais allé. Mais le Grand Prix n'est pas seulement une course de chars, mais un événement plus grand que nature, et je ne parle pas que des bimbos au sein siliconé qui camperont sur la rue Crescent pendant 4 jours afin de reluquer les touristes millionnaires qui, venus de si loin, pourront déverser leur amour de Montréal dans d'étroits tunnels gainés de latex, du moins on l'espère. Ok, c'est bon. Il y a peut-être des retombées économiques lors d'un Grand Prix, mais il y a également des choses qui ne retombent jamais et les bimbos sont là chaque année pour nous le rappeler. Oh boy. Et parlons-en des retombées économiques. On l'oublie, mais le grand cirque de la F1 fait retomber environ 83 millions de dollars par année selon les promoteurs. De la belle argent qui profite grandement à la communauté, paraît-il. Les plus amers vous parleront de l'article de la presse paru jeudi, la presse pas plus, la presse standard, qui affirme que selon une étude australienne sur le Grand Prix de Melbourne, un grand prix comparable au nôtre, les retombées s'élèveraient seulement à 32 millions de dollars. Foutaise! Nous ne sommes pas l'Australie! Il n'y a pas de kangourou à Montréal et juste ça, ça devrait les convaincre que notre Grand Prix est beaucoup plus payant que le leur. Évidemment, ces gens amers ne se contenteront pas de mon argument béton. Ils vont sûrement rétorquer que le Grand Prix ne profite qu'à une minorité et que nos fonds publics servent essentiellement à enrichir les poches d'un petit dictateur anglais libidineux et pas très joli, on va se le dire. Soit, mais n'est-ce pas là encore une belle métaphore du Québec moderne qui engraisse depuis des décennies des petits dictateurs libidineux, c'est-à-dire nos maires de banlieue, et ça ne nous empêche pas d'être heureux? Et que dire de notre fonte de vedettes inutiles québécoises? N'est-ce pas le moment de l'année où elles peuvent nous rappeler qu'elles existent encore en participant à des activités glamour lors du week-end du Grand Prix? N'est-ce pas plaisant d'ouvrir la page centrale du Journal de Montréal pour voir les photos de la soirée de gala où on apprend que d'anciennes participantes d'Occupation Double ont pu se poudrer le nez tout en goûtant au vin de l'ancien pilote Yarno Trulli? Et mieux encore, le Grand Prix de Montréal accueillera enfin le retour de notre enfant prodigue, c'est-à-dire Jacques Villeneuve, qui viendra analyser cette formidable course pour le compte d'un réseau de télévision de France. Il pourra donc réitérer sans gêne son mépris du Québec, mais cette fois dans son propre dialecte. Un dialecte aussi agressant dans sa bouche que dans celle de Sophie Durocher, soit dit en passant. Et en terminant, je veux dire merci aux organisateurs du Grand Prix de faire tant d'efforts pour que nos gouvernements investissent 15 millions en fonds publics annuellement, et ça risque de monter bientôt, pour cette grande fête de la civilisation occidentale, car c'est grâce à eux que je peux me sentir bien de mon époque quand je mets de la gasoline dans mon gros Buick de couleur Racing Burgundy. Merci. Vous avez composé ça récemment, ce texte-là? Quelques minutes avant l'émission. C'est ça que je me disais. J'étais en burn-out. C'est ça que je me disais. On va aller retrouver Catherine, qui doit certainement être les culottes à terre à quelque part. Catherine! Fred. Ouais. Votre chaude voix de baryton a presque réussi à me faire oublier que j'ai peut-être filé le cancer à plein de gars. Oh! Bon, je suis toujours en compagnie de ma whiz du sexe, Mme Bégin. Oui, Mme Bégin. Moi, ce que je veux vraiment savoir, là, c'est si la fellation peut causer le cancer de la gorge. Ah. Mais malheureusement, oui. Ah! Ça va dans le même sens, oui, que tu l'as dit, tout à fait. Qu'est-ce que vous alliez dire, Catherine? J'allais dire, mon Dieu, cunnilingus, fellation, mes cours de catéchèse sont vraiment loin. OK. Mais c'est, on dit au revoir à beaucoup de 69, là. Mais parce que ça implique toute une population. Là. Non, je le sais, c'est pas le fun, ce que vous nous dites là. Non, je sais, mais c'est la réalité, hein. Mais il faut pas non plus dramatiser, là, puis démoniser ces activités sexuelles-là, là. Ah. C'est pas, comme je vous l'ai dit, causalité. On fait un fini le lendemain d'un cancer. Il faut quand même... Ça prend une couple de semaines, quand même. Choses, ouais, ouais, OK. Ça prend quelques semaines, en fait. Ah, OK, mais... OK, OK. Après combien de cunis on doit craindre le cancer? Ah, je vous dirais après une quinzaine. Là. Ah oui. Bon, c'est encore correct. Hey boy. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon pour moi. OK. OK, c'est bon. Oui. C'est-tu fini de votre côté? Parce que nous autres, on continuerait, oui. là. Oui, OK, parfait. Continuez, monsieur. OK, ben bye-bye. On s'en parle tantôt, là, Catherine. Salut. Bye. Notre deuxième invité, Fred. Romancière très appréciée des Québécois, elle charme par sa plume et par sa personnalité. Victor Lévy-Beaulieu ne peut pas en dire autant. Accueillons Madame Kim Thuy! Bonjour Kim! Vous allez bien? Oui, ça va bien. Là, je suis tellement contente d'être née en 68 et non pas en 69. Ben, vous auriez été la candidate pour le cancer. C'est bien étonnant. Mais bon, on ne parlera pas de ça ce soir. Peut-être plus non, tard, en fait. Ben, oui. Oui, oui, peut-être, honnêtement. Là, vous regardez. Quand on soit qui me suit, on se prépare. J'ai encore quelques questions. Ah oui? Non, non. Ah non, mais non, mais n'hésitez pas. Hein. Non, mais ça n'existe pas en vietnamien, je pense. J'essaie de vous voir. Vous dites cancer ou non, le... cancer, oui. OK. Mais on ne sait pas comment on l'attrape. Arrêtez donc! Ah! Bon, non, non. Je vais aller vivre au Vietnam. Non, mais la semaine dernière, on devait vous recevoir. Vous étiez fortement grippé. Hein? Oui. On vous a remplacé par Pierre Moreau. Ah oui, il a bien fait ça. Ben oui. Il est en pleine forme. Il est en pleine forme, lui. Il n'a pas dormi une fois. Non. Et là, vous êtes correct, toujours? Oui, oui, mais j'ai attrapé une grippe d'avion, en fait. J'ai fait ça aussi. Ça aussi, on attrape des choses. Regarde, dans l'avion? Ouais. Ah oui, mon Dieu. Regarde, c'est... Parce qu'on partage... bon, c'est ça, je ne sais pas mais trop. Mais ça dépend, mais oui, c'est... vous partagez quoi en avion? La couverture, non, je ne sais pas si ça vous se lave après. Vous partagez une couverture? Non, non, mais je ne sais pas s'il lave c'est à chaque fois ça? Ou non. C'est pas une asiatique. Non, c'est... Non, elles sont propres, elles autres. Oui, je pense que c'est Air France. Ah, ben, regarde, la France. Non, non, je blague. Je ne sais pas, je me pose toujours la question pour l'oreiller. Est-ce qu'il change d'oreiller? À mon non. avis, non. Non? Moi, je pense qu'il recycle l'air. C'est ça qui rend malade, hein? Les amis, moi, je pensais que c'était l'oreiller puis la couverture. Ah, je pense qu'on va discuter d'autres choses. Non, mais... J'étais assis quel siège? Moi, entre je le un A, un B, un C ou un D? La 69. Un... Ah oui! Ah! Ouais. Près du hublot, évidemment. C'est un gros avion. Oui, du hublot, là, c'est la porte de sortie. Enfin, OK. Vous êtes en grande tournée médiatique ce temps-ci pour votre plus récent livre. Mamie! Oui, oui. Hein? Un des, ben, vous aimez ça, les titres de deux lettres. Hein? Ben, c'est parce que... Mais ça pogne. Ben, non, mais c'est parce que je suis petite. Je suis ah, pas capable ça. De porter. Et aussi parce que j'ai un nom qui est très long. Oui, ça, c'est bien tannant. Ben ouais. Non, mais Kim Thuy, c'est cette lettre. C'est non, mais c'est parce que Kim Thuy, c'est juste le prénom. Ah, ben arrêtez donc, vous. Ben oui, ah, je vous ai pas long, donné non? tout mon nom. C'est quoi tout votre nom? C'est Kim Thuy Litan. Ah, c'est vrai que c'est... Ah, c'est une révélation, ben là, oui. aujourd'hui. Mon Dieu, depuis ce temps-là, moi, que je pensais que c'était... Kim Thuy, c'est votre prénom? Ben oui, donc c'est très étrange, parce que Thuy, c'est le prénom en vietnamien. Oui. Ben, que tout le monde m'appelle... Vous êtes vietnamienne? Ben, ça... D'origine. Ah, OK. D'origine, okay. Mais je suis québécoise. Ah, ben ça, je me depuis disais. Depuis un bout. Donc, mais... Thuy, c'est le prénom que tout le monde a. Non, que moi, okay, que ah, moi je porte. OK, que vous portez. Non, oui, mais qu'il y en a beaucoup de Vietnamiens okay. avec ce nom-là. Okay. Vous avez raison. Puis il y en Kim a comme Chantal, dans le fond. C'est comme, pardon? C'est comme notre Chantal, un peu. Oui, exactement. Okay. Nathalie, non, mais c'est bon, Chantal. Chantal. Non. Monique aussi, j'aime ça, Monique. Monique, oui. C'est le nom de ma mère. Rare, déjà. Manon, ça passe bien. Oui, mais c'est déjà plus rare. On vient-tu à l'avion? Non. Non, non. On ne prend pas notre nom. Vous voulez le nom du passager suisse à côté de moi? Oui. Ah, c'était quoi? Oui. Ah, mais il avait peur des vols, des décollages puis des atterrissages. Les Suisses. Mais les oui, Suisses. Donc il m'a demandé s'il pouvait tenir ma main. Ben c'est là votre maladie, madame. Ah oui, voilà. C'est pas là, c'est bon en malin, ouais, on pogne... Ben oui, ouais. rendu là, je vais dire, envoie la main dans les culottes, voyons donc. Moi, c'est sous comme la ça, couverture. Sous la, ben c'est ça, en fait, oui, vous mettez même. Ça où vous voulez. Alors, on va parler de... on va parler de votre livre quand même, parce que... Oui. Ben tout petit. Ben non, je sais, 100 pages. C'est pas long à écrire, cette affaire-là. Ben, moi, j'écris lentement, donc c'était long. Ah, c'était long? Oui. Parce que votre premier livre qui était rue, qui a été vendu à 220 000 exemplaires, qui est franchement extraordinaire. Mon Dieu, vous avez les... Non, mais j'ai les... Vous avez les chiffres que moi, j'ai pas. Oui, 220 000. Bravo. Oui. Vous allez recevoir un non, chèque, évidemment. Non, pas augmenter ça. 300 000. Toujours est-il que, quand vous avez écrit Man, oui. est-ce qu'il y a un stress de pas réussir autant que ce ben que non, vous avez fait? Ben non, parce que je connaissais pas les chiffres. Ah ben vous, là, je suis tellement désolé de vous, ben oui. Vous angoisser votre troisième. Ben oui. Non, mais Man ne va pas se vendre à 220 000. Ben, je sais pas. Je pense pas. Mais à date, ça va bien. Vous êtes au top des charts. Non, mais moi, ce qui me fait plaisir, là, c'est les 50 nuances de Grey. Là, je me dis, je suis plus érotique que les 50 nuances. Hein? Ouais, non, c'est mais c'est vrai qu'il y a des gens qui applaudissaient. Là. Ils sont bien émotionnés, je pense. Puis, j'ai même pas parlé les de gens, 69, rien. Stretché, non, c'est ça, mais les gens. Une gens qui applaudit, mais vous avez dit érotique tout de suite. Ça s'est je pars avec lui après. Arrêtez donc. Non, oui. Pointez-le-moi. Que je... okay, oui, est-ce que vous êtes libre? Il y a un souper ce soir. Oui, c'est vrai. En plus, parce que là, ma date vient juste de me laisser tomber. Donc, je cherche une date. Avec une couverture puis tout ça. Ah oui. C'est, surtout si vous avez peur de décollage, j'aime ça. Ah bon. En tout cas, je sais avec qui prendre l'avion la prochaine fois. toujours est-il qu'on parlait justement du deuxième livre. Vous faites la tournée à peu près partout parce que vous êtes très bonne dans les médias. On va vous le dire. Vous faites recettes à Cap sur l'été. Ben, non, mais tout le monde en parle, ça va être un. Tout le monde en parle, ben oui, tout à fait. Non, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on est à la télé et qu'on cuisine, on ne cuisine pas vraiment. Il y a, non, un, ça, il y a un vrai chef derrière. Mais il ne faut pas le dire, ça, les gens, ils pensent. Non, les gens sont niaiseux. Oh. Les gens, ils écoutent et ils pensent que tu es cuisiné. Donc, moi, je ne sais pas cuisiner. Ricardo, juste c'est pas l'air. Ricardo, c'est pas lui. Ricardo. C'est même pas une vraie personne. Non, mais je l'aime, Ricardo. Il a de très belles mains. Vous avez déjà regardé les. J'ai pas. Il y a des chemises. Je ne sais pas, moi, je regarde direct. Juste les mains envoyées. Il y a des belles mains. Oui, mais quand je suis là, parce que des fois, ils se changent, tu sais, de chemise. Pardon? Donc, moi, je l'ai vu sans chemise. Ah, fait plusieurs émissions. Ah oui, en bédaine. Oui. Enfin. Il n'y a pas de bédaine encore, non? Vraiment. Donc, je n'ai pas quoi, vu la bédaine. Il y a des rouleaux, tu sais quoi, je sais pas. Oui, il est comment, tout nu? Ouais. Très beau. C'est renversant. J'ai dit, tu peux pas faire ça devant du monde de même. Là. Moi, j'ai le cœur léger. Puis, C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Oui, ben oui. Donc, là, le défi est lancé à Marc Hervieux. Mais il cuisine pas, lui. Non, non, c'est vrai, ça marche pas. Non, mais je pense qu'il peut enlever sa chemise. Ouais, oui, oui. Son fuchsia, moi, j'aime bien. Ça... Ben, ça, c'est pour l'œil, ouais. Mais bon. Ben, justement, vous en parlez. Il me semble qu'on parle juste de sexe depuis tout à l'heure. C'est vrai. Mais non, on parle de la beauté des choses, la beauté des mains, la beauté des torses. Je le sens. Je le sens un peu sexuel chez vous. Non, parce qu'on parlait, tout le monde en parle. À tout le monde en parle, vous n'arrêtiez pas de parler de orgie et de partout. Non, non, mais quand on ne comprend pas des mots, tu sais, il y a des mots, surtout quand on ne pratique pas, surtout dans la langue vietnamienne, ça existe. Ça existe. Pas. Vous êtes, ben, on se pose des questions. Les Vietnamiens, est-ce que c'est des gens qui sont sexuels? Non. Arrêtez donc. Ben non, moi, je fais rien. Donc, je comprends pas le 69, c'est quoi exactement? Okay. Ah, ben, 69. Un peu immobile, sur pause. Ben, Pierre, peut-être expliquer le 69 à Kim. Ben, c'est ça, là. Ça prend deux personnes. Bon, déjà, ben, des gens, des membres. Oui. Non, mais il peut y avoir plusieurs membres sur une même personne. On était ouvert aux handicapés et tout ça. Non, mais les personnes qui sont étonnantes. Non, mais. Moi, dans le fond, c'est bienvenu aussi. Mais vous connaissez le signe astrologique? Poignée et main. Moi, j'aime ça. Oui, c'est ça. Elles sont même pas froides aussi. C'est une invitée détendue. C'est vrai que c'est une bonne cliente dans les entrevues. Oui. Funny et drôle. On porte un pédalo? Je suis pas bonne pour pédaler, par exemple. Non, mais non, rien, c'est vrai, reste immobile. Ben oui, non, on reste pédaler, immobile. Puis une petite voile, puis on voit et on traverse la Manche. Non, non, mais le signe astrologique là, loin, de poisson, là... Ouais, de... Oui, oui, ben oui, ça, c'est un 69, exactement. Oui, mais, oui, oui. Non, mais moi, je savais... Oui, oui, mais oui, moi, je savais pas que c'était le signe du poisson. Donc, une fois, c'était une amie de mon mari qui avait ce tatou-là, puis j'ai dit, ah, oh, t'aimes... c'est... tu fais partie des 69 heures. Oui. 69 heures, je pense. Et, oui. Elle était très insultée parce que c'était plutôt poisson et non pas 69. Elle n'aimait pas le 69. Non. C'est mais qui moi, votre ami? Ben non, je n'aimerais pas parce que vous allez la reconnaître. Peut-être. Ah oui? Ah, oui, ah ben là, non, mais. Ah oui, oui. Ben là. Fait qu'allez-y. Des romans, films, non. Je le dis tout le temps, Radio-Canada, la radio, c'est pas écouté. Non, OK, bon. Est-ce que c'est une auteure? Non, mais on en a... Non, mais je pense pas qu'elle est de votre camp. Donc, oubliez ça, les gars. Ah, ben là, déjà, ah, ben là, ça réussit, là. C'est-tu André Boisclair? Oh, boy. Hey, on finit ça chaud là. Pas bon sens. Désolé, on parlait du livre. Oui, votre on livre. Parlait du livre. Hey, je l'ai presque lu au complet parce qu'il faut dire 100 pages, c'est beaucoup. Et vous parlez constamment de bouffe dans ce livre-là. Ben oui. Ça donne faim de lire Man. Et on se demandait comment ça se fait que vous ne faites pas une émission de cuisine, vous aussi? Hein, moi? Ben, non, non, mais il y a des vrais chefs déjà. Oui, sexe, je préfère. Ouais, c'est ça. Parce que là, la cuisine, tu sais, j'ai eu un restaurant. Ben oui, donc, j'ai déjà été dans une cuisine, mais sexe, ben étant donné que je fais rien, donc. Dans un bordel, oui, j'aimerais ça. Ben, tu sais, j'aimerais ça qu'on m'engage pour Formule 1, là, justement, pour les grands. Ah oui, pour les fins de semaine? Ben oui. Ben pour une auteure, ça peut être très payant. Ben oui. Ça peut vous permettre d'écrire votre troisième livre. Absolument. Mais ça prend des robes moulantes, puis moi, ça. Ben non. Vous moulez. Vous moulez facilement. Ça fonctionne plus. Vous êtes plus rapide sur le moulage qu'avant. Non, non, mais ouais. Je peux plus porter des G-strings en dessous de quelque chose qui mousse et que ça paraisse pas. Je sais pas parlé de ça, mais en même temps, là, vous m'en parlez. J'ai envie qu'on en parle. Mais votre prochain livre, ça va-tu être sur le sexe, donc? J'aimerais ça. Ben, allez-y. Mais là, il faut expérimenter. On l'a annoncé, l'orgie et tout ça. Ceux qui sont intéressés, mais qui s'inscrivent. Inscrivez-vous. Mais là, on va. Parce que là, ici, orgie. Ici, exactement. C'est ça. Vous avez dit que l'adresse fonctionne, là? Ouais. Ici? Oui, ça va. Ben, là, vous savez qu'on va recevoir du email. Juste pour les gens se souviennent, là, pour ceux qui veulent faire une orgie avec Kim Thuy, c'est à la soirée radiocanada.ca. Oui. OK, on s'entend là-dessus? Bon. Ben là, on va avoir un prochain livre là-dessus. Non, ça va peut-être battre le bal en blanc, puis tu sais, les soupers en blanc, tout ça. Des orgies à dernière minute, c'est annoncé dans un parc. Et on a une application, puis Kim nous attend. On lâche le souper. Ben, ouais, c'est ça. Ben écoute, je pense qu'on a quelque chose. Ça vous tenterait, ça? Ben oui, j'adorerais ça. Mais là, je suis trop vieille. Là. Je sais pas qui va être intéressé à venir. Là. Ben, moi, je pense qu'il y a des gens qui font. Oh, on a des mains levées. On a plusieurs mains levées. On a une main. Ben non, on en a trois. C'est parce que. C'est vrai, j'ai rien. Vous êtes plus jeune. C'était le même monsieur qui voulait aller au souper avec moi. Il est très willing. Honnêtement, il est très, très willing. Mais il est tout le temps là, il fait ça à toutes les femmes. Je vais vous le dire. Il est pas... En tout cas, je vous le dis tout ça. Ben, vous restez avec nous, on se dépêche, on finit ça. Mais avant, il faut aller écouter une autre personne. Okay. Ah, mais je savais pas que ça se disait Cuny et non pas le... Non, tu peux dire Cuny. Cuny, c'est ça? Mais tu peux pas dire Fela. C'est moi, ça. Non, j'allais vous le poser, la question. Il va falloir couper dans ce show-là si on va être encore en onde l'année prochaine. Ah oui, Mais vous restez avec nous quand même? Oui. Avec une bière ou non? Il y a une différence entre les deux? Arrêtez! J'allais vous offrir une bière, mais ça va être de l'eau, parce que là, franchement, c'est trop. Quin, buvez de l'eau. Fred, présentez-nous. En urgence, notre prochain chroniqueur. Ici, il écoute les pires moments de la radio Jambon et là-bas, il ne trouve pas ça drôle. Mais ici, oui, voici la chronique d'Olivier Niquette. Hey, fait que juste quelque chose de pas sexuel, ça serait bien rafraîchissant. OK, good. Mais encore une fois, cette semaine, les raisons d'être en colère sur les radios d'hommes en colère ont été nombreuses. C'est que, voyez-vous, comme l'expliquait Gilles Proulx, les jeunes de nos jours sont paresseux et ça influence toute la société. Ils sont archi paresseux. Ce sont des maudits parasites. On a toujours peur de faire mal, puis qu'on descend dans la rue. On est un peuple de lâches, de chieux en culotte. Ce qui rend d'autant plus difficile la tâche de laver notre linge sale en famille. Surtout que, pendant que les jeunes de nos jours se pognent le beigne, les vieux corrompus abusent des jeunes de nos jours. Ce qui a d'ailleurs inspiré une excellente comparaison de Dans la tête du Doc Mayou. Je me suis amusé à comparer dans ma tête la corruption à la pédophilie. Et saviez-vous qu'il y a beaucoup de points communs? Complicité, aveuglement volontaire, méconnaissance de la faune humaine, désillusion. Pour que la pédophilie puisse fleurir, entre guillemets, dans une famille de crétins, ben ça prend tout ça. Eh oui, on sait que le docteur Mayou privilégie la castration pour les pédophiles en fleurs, alors je ne serais pas surpris qu'il veuille élargir le marché de l'émasculation aux politiciens corrompus. Il y a sûrement une passe de cash à faire là-dedans, même si plusieurs ont déjà perdu leur couille devant la commission Charbonneau. De son côté, Mario Dumont en avait contre la décision de Soccer Québec d'interdire le port du turban, y allant main lui-même d'une comparaison boiteuse. Mettons, moi, je vais aller dans une mosquée. On se dit qu'il faut se déchausser. Mais moi, j'ai un malaise avec mes pieds. J'ai une pudeur des pieds, je veux pas me déchausser. Pauvre Mario, hein, il est mal pris. Mais j'ai une solution qui lui permettrait de vivre pleinement son fétichisme. Juste à faire comme Fred Savard, qui souffrait d'une pudeur nauséabonde des pieds, ben lui, il met de la petite poudre, puis tout est réglé. Ça, c'est vrai. C'est vrai, on le sent. Oui. D'autre part, après avoir lancé la Journée internationale du gars, Sylvain Bouchard de Cogeco décidait de s'attaquer à d'autres négligés de notre société, les petits vieux. Ceux qui ont vraiment besoin d'argent dans le réseau, ce sont les aînés. Puis moi, je pars l'an prochain, le premier Téléthon Vieille Lune. Ça s'appelle Vieille Lune. Ça va être des petits vieux. Évidemment, tous les artistes vont vouloir s'associer à des vieux dans leur couche. Là, c'est pas des bébés malades, c'est des vieux funis. Oui, et permettre aux vieux funis de finir leur vie dans la dignité en se montrant à TV dans leur couche, c'est une excellente idée. Dominique Moret de Radio X, lui, était fâché, et on le comprend, contre David Dulac, qui prévoyait kidnapper des enfants pour son projet d'art visuel. Mais, oui. Mais Moret a remarqué que Dulac a un petit quelque chose qui le rend encore plus louche. Là, il y a sa photo dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, avec le carré rouge, évidemment, le carré rouge, et son œuvre, ça n'a rien à voir, moi. Décris le personnage, OK? Allez sur son Facebook, et tout ce qu'il aime, là, tu sais, quand tu cliques « j'aime », là, mais lui, c'est « j'aime l'AC, j'aime telle association radicale ». Il n'y a pas de lien, mais on va en faire pareil. D'ailleurs, la page Facebook de David Dulac dit aussi qu'il aime Darth Vader. D'après moi, en matière de kidnapping, Darth Vader est bien, une bien pire influence que Gabriel Nadeau-Dubois. Heureusement, on a eu droit à une bonne nouvelle cette semaine, et c'est la candidature de Laurent Proulx comme conseiller municipal dans la région de Québec. Denis Gravel et Jérôme Landry de Radio X l'ont d'ailleurs reçu en entrevue et lui ont fait passer un très mauvais quart d'heure. J'ai un petit quiz municipal pour toi, un matin. Puis, si jamais t'as pas une réponse, c'est pas grave. Je sais que tu vas aller faire tes devoirs, puis que tu vas t'améliorer. Puis, garde, je veux pas te peinturer dans le coin avec ça, mais je veux juste checker tes connaissances un peu. Qu'est-ce qu'un PTI au municipal? Un plan triennal d'immobilisation. Bravo! Christy, je suis fier de toi. Le pire, c'est que je savais que t'allais répondre. Bravo, t'es bon! Mais attendez, c'est pas fini, hein? Gravel et Landry avaient une deuxième et dernière question à poser. Qui était maire de Québec avant Jean-Paul Lallier? Je sais qu'il y a eu Mme Boucher et M. Lallier, mais avant ça, je ne saurais pas vous dire. Okay. Je n'étais pas très impliqué du côté municipal. Bon, regarde, on va te laisser, c'est Jean Pelletier. Mais comme je te dis, je ne suis pas inquiet pour toi. Je sais que tu vas faire tes devoirs. Puis on va te donner un break. Ça fait 2 ans que tu es à Québec. Ben oui, c'est pas grave, mon Laurent. Une bonne réponse sur 2 questions, ça fait quand même 50%. C'est presque la note de passage. D'après moi, s'il y avait eu des questions dans ce genre-là à l'université, là, il n'aurait pas abandonné le cours pour lequel il a obtenu une injonction. En terminant, Jérôme Landry avait une petite question bonus. La question que tous les électeurs se posent. Autre question qu'on pose souvent à des politiciens. As-tu un char? Oui. OK, fait que tu te promènes pas nécessairement en autobus ou... t'as un char, toi. T'es connecté, t'es groundé sur le vrai monde. Dans le coin d'université, ça m'arrive de prendre l'autobus. OK. Eh oui, groundé sur le vrai monde. Au moins, lui, il a compris que le faux monde, ben, il vote pas. C'est vrai, ça. Merci, Olivier. Alors, on va les retrouver Catherine Desormeaux qui, bon. Pierre Brassard a très hâte de vous poser quelques questions, mais allez-y, Catherine, donc. Mais oui, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait 5 minutes qu'on parle plus de sexualité, là. Non, je sais, on a pris un petit break, qu'est-ce que vous voulez? Je suis toujours en compagnie de la reine du sexe, Nadine Bégin. Bonjour, Mme Bégin. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Alors, je veux savoir si vous aviez une alternative coquine à nous suggérer pour nos auditeurs qui seraient frileux à l'idée de pratiquer le sexe oral en fin de semaine suite à l'affaire Douglas. Bon, mais écoutez, je vous en ai proposé une tantôt qui n'a pas eu l'air de faire l'unanimité. L'affaire de ouais. Sexe avec un condom, la fellation avec un condom. Ouais, je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais écoutez, il y a des saveurs maintenant, cappuccino, il y a plein de choses. Pour ceux qui aiment le café. Ouais, oui, je disais, non, oui. Non, c'est une bonne idée. Pas pour moi, mais pour d'autres, peut-être. Ouais. Des saveurs pour tendance comme le porc effiloché. Je vous en prie, continuez, on a du fun écoutez. Ici, mais c'est pas... Pour le cunnilingus, c'est la digue dentaire. On parle de... C'est quoi la digue dentaire? C'est pas le fameux mouthpiece là, que les joueurs de football mettent, mais bien un carré de latex qu'on peut utiliser pour faire le cunnilingus. Hey, c'est charmant. C'est charmant, hein? Ouais. C'est érotique. Il n'y a pas de danger qu'on s'étouffe, rien, là. Non, pas que tu aspires, en fait, mais ça, c'est un principe de base qu'il faudrait que tu saches, là. OK, ouais, ben, on s'en parlera plus tard. OK, good. C'est bon. OK, excellent. Donc, oui, on peut utiliser la digue dentaire mm-hmm. ou s'enrouler dans le saran wrap, la tête aux pieds, puis se regarder dans les yeux, mais c'est un peu moins le fun. Ouais. Non! Eh bien, merci beaucoup, Catherine. Hein. Encore une fois, un apport extraordinaire. Ah, merci. On se revoit peut-être la semaine prochaine. Peut-être. OK, bye! Bye! Fred, il nous reste un chroniqueur, faudrait finir ça. Oui. Il a passé la semaine à analyser la nouvelle loi sur le financement des partis politiques. On l'a finalement réveillé de son coma profond. Hein? Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Bonsoir. Bon. On finit sans beauté cette semaine. Vous avez exactement 4 minutes. On va être sincère. On a beaucoup parlé d'argent cette année avec la commission Charbonneau. Mais il n'y a plus grand monde, en fait, qui a envie de donner son 2 piastres aux partis politiques. Ben non, c'est ça. Mais l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Ben... Là, disons que ça tape ses nerfs ces temps-ci pas mal. Là. Au Québec, là, ça va pas bien. Ça, c'est pas simple. C'est à cause de Bernard Drainville. Hein? Tu sais, l'ancien d'ici. Oui, ben, ici, de la... Ouais. De... Ben, c'était pas ici, en tout cas, temps. Là, il est là-bas. OK, ouais. Mais il est ministre. OK. Ouais. Un ministre. C'est ça. Puis à ouais. cause de lui, les dons sont passés de 1 000 $ à 100 $. Ouais. 100 $? Oui, 100 $, comme ils disent dans l'annonce de l'assureur. Là. Ouais. Ce qui veut dire que même ceux qui votent pour Québec solidaire ont les moyens de contribuer au maximum maintenant. C'est ah. quelque chose. Ça, c'est Option nationale, c'est différent parce que Jean-Martin a 100 déplacements quand même. Mais les, c'est quoi la les conséquences de cette réforme-là? Parce ben, qu'en même temps, moi, j'aime tellement ça. Ben pour les 4 premiers ouais. mois de cette année, le PQ a ramassé plus que les autres, là, 280 90 000, à force d'avancer puis de reculer, là, ça permet de récolter en double. Là. C'est un vieux truc d'église, ça. Ouais. À quête, Jean Tremblay leur a montré ça. Mais ce qui est intéressant, ouais. c'est que le nouveau chef du PLQ, Philippe Couillard, mm-hmm. il a juste réussi à ramasser 39 000 $, ah. 15 000 de moins que Québec solidaire. Arrête, Françoise David qui bat Philippe Couillard. Ça, c'est un peu comme si un député conservateur décidait qu'il voulait, être, qu'il voulait plus être un pantin. Là. Ouais, ça, mais je l'ai écrite mardi, celle-là. Ouais. Mais, pas grave. Puis là, la CAQ, 23 000, on comprend qu'elle demande aux gens de lui envoyer de l'argent là, pour signer une pétition. Là, ouais. Remboursez-nous.com, ça, c'est ce que ces militants se disent depuis la dernière élection. Ouais. Puis, c'est que le DGE, lui, uh-huh. ajoute de l'argent quand les partis reçoivent des dons. C'est tout pour décourager les grandes entreprises de faire avancer le Québec dans leur intérêt. Ça, ouais. c'est bien, bien, bien maudit. Là. Avec tous ces entrepreneurs-là là, qui passent leur journée à la Commission Charbonneau, ils n'ont plus le temps de faire leur devoir de citoyen. Trouver des prête-noms, remplir des coffres-forts, ouais. les partis politiques. Je pense qu'on est dû pour changer ça. Ben ouais. oui, je comprends donc. Mais c'est quoi la solution? Il y a des gens qui aiment bien ça, les coffres-forts. Ouais, ouais. C'est quoi la solution? Ben, vous savez que je suis jamais à court d'idées novatrices et porteuses, là, comme ben. Diraient les 28 candidats à la mairie de Montréal. Alors, l'important, je regardais là-bas en fin de semaine passée. C'est-à-dire? Pis, pas ici. OK. Puis je me suis dit, il nous faut un téléthon pour les partis politiques. Ah! Ah! Envoyez-nous vos dons pour les formations malades. Là, il faut sauver ces milliers de bénévoles, pas si bénévoles que ça finalement, ouais. qui font rouler l'industrie de la construction. On peut penser peut-être à un grand spectacle animé par des animateurs aussi sensibles qu'Annie Brocoli et Joël Legendre. Ouais. Peut-être Lynn Beauchamp, Lisa Frula, Michel ouais. Courchaine. Et des performances à couper le souffle. Un numéro spécial Laval là, où Gilles Vaillancourt entonnerait avec ses collègues la chanson de René Nathalie. Là, ce qu'on fait pour un autre n'est jamais perdu. Ce qu'on fait pour un autre vous sera rendu. T'sais, ouais, ouais. Avec c'est des 20 pièces bon, en plastique là, qui tombent comme ouais. des confettis. Là. Gérald Tremblay qui reprend le succès de Céline. Là, je sais pas, ça pourrait être bon, ça. Ouais, ouais. Je vais entendre Jean Charest témoigner tendrement sur la musique de St. Elmo's Fire, de la façon dont vos dons lui ont permis de recevoir un salaire supplémentaire de 75 000 $ pendant plusieurs années. Ouais. Ou le témoignage de Jean Chrétien, peut-être, qui nous raconte que la vie parlementaire l'aurait ragaillardi avec des images de lui en quête là, ouais. à 79 ans sur une belle musique de Vangelis. Qui ouais. montre l'exemple en remettant un beau chèque après avoir vendu des vieilles balle de golf de Bill Clinton. Là. Ouais, oui, oui, oui. Je veux voir Denis Coderre arriver sur scène avec un grand chèque de 2 mètres sur 4, le fruit d'un souper spaghetti savamment orchestré, puis nous faire un signe de téléphone avec sa main à l'oreille en disant, avec son clin d'œil complice, là, appelez. Hein? Je veux entendre Nathalie Normando nous raconter sur le ton de la confidence avec un moment de piano très, très doux, oui. comment le Parlement lui a permis de trouver l'amour en quelques mois et surtout de réaliser son rêve de voir Céline en spectacle. C'est un moment inoubliable. Je veux oui. qu'André Boisclair nous explique à quel point même un échec électoral peut quand même nous procurer un excellent salaire à lui et 27 autres ex-péquistes. Des gens qui lancent des défis aux spectateurs. Là, je veux que Guy Chevrette nous promette d'égaler les dons s'ils viennent de sa région. Ouais. Laurent Proulx, Laurent si le chiffrier atteint le million, il va refaire sa cascade en trois skis, mais tiré par un camion de Tony Accurso dans les rues du plateau avec tout ce que ça implique de danger, de nid de poule puis de sens unique. Là. Je veux voir Tony Tomassi à la centrale téléphonique qui nous explique qui attend notre appel puis qu'on peut faire notre don avec n'importe quelle carte. Et tout le monde termine en chantant La vie est si fragile en chœur accompagné du clan Rizzuto. Ce serait un happening extraordinaire. Hey, ben merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est déjà tout pour ce soir. Si vous voulez continuer à parler de sexe, ben écoutez, faites ça chez vous. Alors, on vous invite quand même à rester à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est le cabaret Plus on est fou, plus on lit. Et ensuite, c'est Bande à part. Merci à toute l'équipe, Valentine Ticotte, Jean-Louis Gagnon, Steve Côté et Philippe Roberge. Et un gros merci à nos invités de ce soir. Pierre Brassard à l'antenne de VTL le 16 septembre à 19h. Quand il fait. Hey, j'ai trouvé 50 sous dans le fauteuil du milieu. Ah mon Dieu! C'était peut-être à Pierre Moreau. Ah oui, probablement. Fait que c'est au Parti libéral, viens, j'ai pas avec laisse ça. Là. OK. Ils vont revenir l'année prochaine, ils viendront oui. chercher. Et qui me suit, on lit votre roman Man qu'on peut acheter dans toutes les bonnes librairies. Oui, mais n'oubliez pas de vous inscrire pour la liste. Ah oui, la liste pour l'orgie des ah oui, ah oui. Merci beaucoup et c'est à notre adresse à la soirée. Hein. Ouais, ouais. Quant à nous, si vous voulez écouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web et surtout, venez à l'enregistrement des deux dernières émissions. Ça va se faire jeudi prochain. C'est un spécial de 2 heures. c'est à 17h. On a des invités spéciaux. Oui. Ah, franchement, on va vous surprendre. Et on a aussi Christiane Charrette qui va être là. Alors, envoyez-nous un courriel. En même temps, si vous voulez participer à l'orgie, c'est à la même place. Oui. Et on sera un plaisir de vous réserver une place. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Wouh!